Chapitre 5e. Ici, une lacune en apparence inexplicable dans le récit des évangélistes qui se sont occupés de la naissance de Jésus. Ils l'abandonnent jusqu'à l'âge d'environ 30 ans. La vérité est qu'ils ne savent rien de son enfance ni de sa jeunesse. Ce qu'ils ont raconté jusque-là n'est qu'un mention pur. On ne le connaît, et encore bien imparfaitement, qu'à partir du moment où il commence à prêcher. À cette époque, il peut avoir 33 ou 34 ans. C'est un tempérament nerveux, un esprit préoccupé de questions religieuses ou sociales, doué de facultés remarquables, bien qu'au dire de ses proches, mal équilibré. Il aspire à jouer un rôle, et comme la secte des Esséniens dont il fait peut-être partie, il semble professer le communisme. Pour atteindre le but qu'il se propose, il lui faut une sanction, un nom dont il puisse se recommander. Il se décide à aller trouver un nazir célèbre dont les évangiles font son cousin. C'est Jean le Baptiste, qui opérait dans le désert, près du Jourdain, dans les eaux duquel il administrait aux néophytes le baptême par immersion, symbole de purification dont les catholiques ont fait un sacrement. Il répétait souvent, comme après lui Jésus, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu ou des cieux est proche », entendant par là, non un paradis surnaturel qui fut toujours inconnu aux Juifs, mais la rénovation sociale, le règne de la justice. Il traitait les pharisiens, les scribes, les prêtres en général, de race de vipères, une injure du temps dont Jésus s'est servi. Je ne m'attarderai pas au récit merveilleux de l'entrevue des deux cousins. Il suffira de faire remarquer que les évangiles de Luc et de Jean ne la racontent pas de la même manière. De plus, Jean nous dit qu'après son baptême, Jésus retourna en Galilée. Au contraire, les trois autres évangiles, dits synoptiques, prétendent qu'il alla dans le désert où il jeûna 40 jours, comme ce qui fut tenté par le diable. Selon cette légende, le diable fait preuve d'une grande ignorance. Il croit, comme tout le monde à cette époque, que la terre est plate, et que du haut d'une montagne on peut voir tous les royaumes du monde. Enfin, Jésus retourne en Galilée. Il rentre d'abord chez lui, à Nazareth, et commence à prêcher à la façon de Jean le Baptiste. Ses concitoyens, gens dévots, peu enclins aux nouveautés, se fâchent, veulent le jeter dans un précipice, et il se sauve à Capharnaüm, faisant observer avec amertume que nul n'est prophète en son pays. Au cours de ses pérégrinations dans les bourgades qui avoisinent le lac de Tibériade, ou mer de Galilée, il endoctrine quelques pêcheurs, plébéiens comme lui, que séduit son éloquence imagée, entremêlée de citations de la Bible qu'il s'approprie. Des femmes accompagnent aussi le jeune prophète et fournissent à ses besoins, entre autres Marie, la courtisane de Magdala, dont on a fait Magdeleine. Il ne faudrait cependant pas en faire un crime à Jésus, ni le juger au point de vue des préjugés qui varient avec les siècles. Pour comprendre les choses antiques, disait Tite-Live, il faut revêtir un esprit antique. Au temps de Jésus, il semblait légitime que les prophètes fussent défrayés par ceux qui avaient du bien. Avant d'aborder sa prédication, un rapide coup d'œil sur le pays qui en était le théâtre. La Palestine offrait un territoire d'une grande longueur relativement à sa largeur moyenne. C'est ce qui a toujours fait tort à sa force de cohésion. Sans liaison entre elles, les populations qui l'ont habitée n'ont connu l'unité que dans la servitude. Sous la domination romaine, par exemple. Encore, cette unité était-elle simplement administrative, chaque province conservant sa physionomie propre, telle la Judée et la Galilée. La Judée, âpre, stérile, montagneuse, n'offrait à l'œil que de sauvages beautés. La Galilée était riante et fertile, coupée par des chaînes de montagnes en vallées bien arrosées, mais sans communication entre elles, abritant des races différentes d'origine et de langage que la richesse de son sol avait attirées. Étant donné l'influence sur l'homme du milieu où il se développe, le caractère des Judéens contrastait avec celui des Galiléens. De là se disparate entre l'éloquence rude et acerbe des prophètes juifs et la grâce poétique que revêtait la parole familière de Jésus, les comparaisons que lui inspirait la riante nature qui l'entourait, dans les rares fragments qui paraissent porter l'empreinte de sa personnalité. Son instruction devait être rudimentaire. Il savait lire, peut-être tracer quelques caractères, bien qu'il n'ait laissé aucun écrit. Ce qu'il savait, il le devait au Hasan, ou maître d'école de la synagogue. Il avait beaucoup lu la loi attribuée à Moïse, la Torah et les prophètes. À cela se bornaient ses connaissances. Il aime la nature, l'observe en artiste, mais ignore toutes les lois qui la régissent. Il a de la finesse, l'esprit de répartie familier aux Juifs, voire le Talmud, et mieux que cela, le sentiment de la justice, la haine de l'hypocrisie cléricale. Il est enfin rempli de pitié pour les humbles, les déshérités, les faibles, de compassion pour les maux de l'humanité. Ce sont des qualités qui n'ont rien de surnaturel, et qu'il partage avec bien des philosophes de l'Antiquité et plusieurs de ses compatriotes, entre autres cet admirable Hillel, qui fut son contemporain. En un mot, sa morale, faussement dite morale de l'Évangile, est, comme nous le verrons, la morale tirée du Pentateuque et des autres livres juifs. À ses débuts, c'est un simple réformateur des mœurs, interprétant, en d'ingénieuses paroles, la loi mosaïque, qu'il se défend de vouloir changer, mais montrant, comme les prophètes, un certain dédain pour les cérémonies et les momeries du culte. Il possède ce sentiment religieux, personnification de la conscience, qui, par une sorte d'extériorisation du moi, se prend elle-même pour un être suprême, inspirateur de l'homme. Proudhon n'a-t-il pas dit « Dieu, c'est la conscience, puisque la conscience est ce qu'il y a de meilleur en nous ». Ce Dieu-là n'a rien de commun avec le Manitou imbécile et cruel que les prêtres ont fait à leur image. Mais pourquoi lui en donner le nom ? Les promesses de Jésus n'ont d'ailleurs rien de mystique. Les récompenses qu'il promet, comme Moïse, sont prochaines et terrestres. Le royaume de Dieu, lisez de la justice sur la terre, est proche. Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Il prêcha en pleine campagne sur les bords du lac de Tibériade. La légende désigne une éminence appelée Mont des Béatitudes, en souvenir du fameux sermon sur la montagne qui, de reste, n'a jamais été prononcé et n'est qu'une mosaïque des préceptes, des paraboles les plus familiers à Jésus. Ces préceptes, d'ailleurs, empruntés au Pentateuque, aux prophètes, aux livres attribués à Salomon, voire au sage Hillel, n'ont rien de nouveau. Toutes ces prescriptions d'amour du prochain, de bienveillance envers les ennemis, de mépris des richesses, se retrouvent dans les livres de l'Ancien Testament. Il est facile de s'en convaincre si l'on veut s'épargner des recherches en consultant le livre de M. H. Rodriguez, « Les origines du sermon sur la montagne ». Jésus, comme on le croit généralement, n'a donc pas inventé une morale nouvelle. Sa prière du Pater intercalée dans le pseudo-sermon n'est qu'un centon dont toutes les parties se retrouvent dans les encologues de l'Antiquité juive ou païenne. Ce qui paraît lui appartenir en propre, c'est la forme dont il a revêtu ses pensées, les images gracieuses dont il les apparaît, et voilà tout. Nous verrons plus loin que Jésus, au moins celui qui est venu jusqu'à nous, s'il n'a pas été complètement défiguré par ses premiers biographes, fut un caractère vacillant, se laissant conduire par ceux qu'il avait la prétention de diriger, ce qui explique que la seconde période de sa carrière de prophète est en complet désaccord avec la première.